son testament. Son testament fut donc ouvert sur la demande de Lucius Pison, son beau-père, et on en fit la lecture dans la maison d'Antoine. César l'avait fait aux dernières Ides de septembre, dans sa propriété de Lavicum. Il l'avait ensuite confié à la grande Vestale. Quintus Tubéron rapporte que, dans tous ceux qu'il écrivit depuis son premier consulat, jusqu'au commencement de la guerre civile, il laissait à C.N. Pompée son héritage, et qu'il avait lu cette clause devant une assemblée de soldats. Mais dans le dernier, il nommait trois héritiers. C'étaient les petits-fils de ses sœurs, savoir Gaius Octavius pour les trois quarts, et Lucius Pinarius avec Quintus Pedius pour l'autre quart. Par une dernière clause, il adoptait Gaius Octavius et lui donnait son nom. Il désignait parmi les tuteurs de son fils, pour le cas où lui en naîtrait un, plusieurs de ceux qui le frappèrent. Décimus Brutus était aussi inscrit dans la seconde classe de ses héritiers. Enfin, il léguait au peuple romain ses jardins près du Tibre, et 300 sesterces par tête.